Voici une lecture par Martine du roman de Pierre Loti, Pêcheur d'Islande. Quatrième partie, chapitre 3. Ils allèrent à Paimpol un beau jour avec la grand-mère Yvonne pour acheter la robe de noces. Parmi les beaux costumes de demoiselles qui lui restaient d'autrefois, il y en avait qui auraient très bien pu être arrangés pour la circonstance, sans qu'on eût besoin de rien acheter. Mais Yann avait voulu lui faire ce cadeau, et elle ne s'en était pas trop défendue. Avoir une robe donnée par lui, payée avec l'argent de son travail et de sa pêche, il lui semblait que cela la fit déjà un peu son épouse. Ils la choisirent noire, Go n'ayant pas fini le deuil de son père. Mais Yann ne trouvait rien d'assez joli dans les étoffes qu'on déployait devant eux. Il était un peu hautain vis-à-vis des marchands. Et lui qui autrefois ne serait entré pour rien au monde dans aucune des boutiques de Paimpol, ce jour-là s'occupait de tout, même de la forme qu'aurait cette robe. Il voulut qu'on y mît de grandes bandes de velours pour la rendre plus belle.